brûlez dedans. Supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous. Vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez.